franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, quand l'art choque les catholiques. En 2011, coup sur coup, une exposition et deux spectacles de théâtre provoquent la colère d'une partie des catholiques français au seul motif que ces trois œuvres mettent en scène le Christ. Chacune à leur manière, elles détournent et se jouent de la figure du Messie des chrétiens. Manifestations, vandalisme, interruptions, tout est bon aux opposants pour exprimer leur désaveu face à ces œuvres qui, à leurs yeux, sont blasphème, christianophobie. Là où s'exprime en vérité, par la démarche artistique, la liberté de penser, le libre arbitre, deux notions qui depuis la nuit des temps heurtent les religions. À ceci près que ce mouvement ne vient pas d'une condamnation officielle de l'Église catholique. Derrière cette série de coups d'éclat se cache en réalité l'Institut Civitas que les Français découvrent à cette occasion. Cette petite association de catholiques intégristes entre avec fracas sur la scène médiatique. Grâce à un discours bien ficelé, l'association profite de cette série d'événements artistiques pour mobiliser autour d'elle catholiques ultra et traditionalistes, ainsi qu'une frange de l'extrême droite avec qui elle semble cheminer le plus naturellement du monde. Alors pourquoi ces œuvres-là et cette année-là? Qu'est-ce qui provoque cette série d'événements et motive les intégristes à sortir du bois? Ces événements et ces questions, nous les aborderons en deuxième partie avec notre invité Jean-Michel Ribes, acteur, dramaturge, metteur en scène et réalisateur de cinéma. Il était, et il est toujours, directeur du Théâtre du Rond-Point, dans lequel se jouait l'une des pièces tant décriées par ces docteurs de la foi et de l'embrigadement cérébral. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA, attaché de production Léa Dupuy-Henquin et Ida Bory, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, réalisation Coyenne Guyen et Jérôme Chélius, à la technique aujourd'hui Tristan Gratalon, Dimitri Gronin. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Acte 1, scène 1. Samedi 16 avril 2011, Avignon, à la fois ancienne cité papale et cadre du plus grand théâtre du monde, chaque été le fameux festival. En ce jour de printemps, une manifestation s'organise sur la place du Palais des Papes. Un millier de personnes y participent. On aperçoit de grands crucifix, des drapeaux ornés du Sacré-Cœur de Jésus, symbole de la France catholique, quelques curés en soutane, des slogans se font entendre. Non à la christianophobie, disent-ils, ou encore, la France est chrétienne et doit le rester. Des hommes, des femmes et quelques enfants écoutent avec attention les différents discours prononcés depuis l'esplanade. Un en particulier retient l'attention, celui du leader de la manifestation, Alain Escada, secrétaire général de l'Institut Civitas. Il prend la parole et dénonce l'objet du rassemblement, le scandale piscrist d'Andrés Serrano. Andrés Serrano fait partie de ces snobinards décadents et laïcards que l'on présente erronément comme des artistes et qui s'est permis de façon ignoble de représenter le Christ en plongeant un crucifix dans un vase contenant sa propre urine. Eh bien cela, que certains osent prétendre que c'est de l'art, ça en dit long sur l'état de la situation de ce que l'on présente comme l'art contemporain aujourd'hui. Justement, à quelques centaines de mètres de la manifestation, dans le magnifique musée de l'hôtel de Caumont, se tient depuis le 12 décembre une exposition intitulée « Je crois au miracle ». Elle est organisée par Yvon Lambert, célèbre collectionneur, et dirigée par Éric Mézil, conservateur du musée. Ce dernier a décidé de mettre à l'honneur l'œuvre d'Andrés Serrano, et en particulier sa pièce majeure, le Piscrist. Cette grande photographie représente le Christ en croix, plongé dans un liquide constitué d'urine et de sang. L'œuvre captive le regard par la lumière qui s'en dégage. En 1987, année de sa création, elle fait scandale aux États-Unis. Point de départ de la Cultural War américaine, une opposition farouche des chrétiens américains à l'art contemporain. Et puis le temps fait son œuvre, la photographie d'Andrés Serrano voyage, la polémique s'atténue. Oui, mais voilà. En cette année 2011, à Avignon, ça ne passe pas. Depuis plusieurs semaines déjà, Éric Mézil reçoit des courriers qui lui demandent de retirer l'œuvre, des lettres de menace. Une pétition contre la photographie lancée, elle recueille plusieurs dizaines de milliers de signatures. C'est dans cette logique que s'organise la manifestation du samedi 16 avril, elle en est même le point d'orgue. À Après s'être rassemblé sur la place du Palais, le cortège marche jusqu'au musée. L'abbé Régis de Cacré prend alors la parole pour exprimer la colère et les arguments des catholiques réunis ce jour-là. Il existe chez les catholiques un sentiment de malaise et de colère de devoir subir sans discontinuer cette culture du mépris. Imaginez un seul instant que la personne dont l'image plongée dans l'urine soit Mahomet ou Anne Frank. Quel tollé médiatique aurait été immédiatement soulevé. Ainsi donc, lorsqu'il s'agit du Christ ou des catholiques, tout est permis, il n'y a plus de limite à respecter. La laïcité donne aujourd'hui la main à l'antichristianisme alors qu'elle installe à grands frais l'implantation de l'islam en France. On ferait mieux de nommer la laïcité l'islamicité. Mais pourquoi celui qui a osé tremper dans le bain de son urine l'image d'un autre homme a-t-il choisi que cette image soit celle d'un juif? Cette race n'a-t-elle pas été suffisamment brimée et humiliée? Pourquoi s'en prendre encore à l'un de ses membres? Et comment est-il possible? Et comment est-il possible que l'image de ce juif plongé dans le bain d'urine où il y a placé la main d'un autre homme puisse être considérée comme un chef-d'œuvre et faire le tour de la terre? Mais qui sont donc ces catholiques en colère? En tête de cortège, on retrouve l'Institut Civitas. Cette association est le bras politique de la Fraternité Saint-Pie-X, qui regroupe des partisans de Mgr Lefebvre, courant catholique intégriste qui ne reconnaît pas Vatican II et les évolutions qui en découlent. Alors un mot d'ordre les anime, re-christianiser la France. Sauf qu'ils peinent à émerger politiquement et médiatiquement. Alors pour gagner en visibilité, il s'attaque à l'art. Et quoi de mieux que l'art contemporain pour mobiliser ces œuvres financées par l'État, cet art bobo qui ne dit rien et ne cesse de maltraiter les symboles religieux. Alain Estrada, leader de Civitas, lance une campagne numérique rondement menée. Il reçoit le soutien de mouvements d'extrême droite et de catholiques ultra, Renouveau Français ou l'Observatoire de la Christianophobie, ça existe. Et ça marche. La manifestation est un succès. Elle rassemble presque un millier de personnes. Les médias relaient l'information. Alain Estrada est interviewé par la télévision et la radio. Les Français mettent un visage sur l'Institut Civitas et la nébuleuse catholique intégriste. Mais c'est le lendemain que l'événement prend une tout autre dimension. Le Christ au français, ça doit cesser. Non, non, non, à la catholophobie. Non, non, non, à la catholophobie. Acte 1, scène 2. De bon matin, le dimanche 17 avril 2011, un petit groupe de personnes pénètre dans le musée de l'hôtel Caumont. Après avoir menacé les vigiles, ils s'attaquent au marteau à deux œuvres d'André Serrano. Le Piste-Christ est détruit. La suite, c'est Éric Mézil, le conservateur du musée, qui la raconte. Très vite, on a vu qu'il y avait des personnes qui ont payé leurs billets, mais qui ne ressemblaient pas à des clients spécifiques qu'on peut imaginer de la collection Lambert. Des gens très jeunes, tatoués, avec des lunettes de soleil, et qui portaient sous le bras des blousons, avec des formes qui étaient un peu étranges. Donc, une des gardiennes est allée voir un des garçons qui montait vers l'œuvre, et elle lui a demandé de pouvoir regarder ce qu'il y avait dans son blouson. Il y avait une bombe de peinture pour faire des tags. Donc, elle lui a demandé de partir, et là, en quelques secondes, il a pris un tournevis dans l'autre copain, l'autre fou a pris un marteau qui était dans sa poche de pantalon, et ils ont d'abord menacé les quatre gardiens qui étaient dans la salle, et ensuite ils ont cassé d'abord l'œuvre de Peace Christ de Serrano, et en face il y avait six œuvres de Serrano. Donc, voilà. Dans quel état peut-on dire sont les œuvres? Elles sont détruites, vraiment c'est l'acte de vandalisme pur, elles sont détruites, vandalisées et irrécupérables en tant que telles l'une et l'autre. C'était très très très organisé. Par contre, la chose qui était plutôt bien, c'est qu'en fait ils sont pas très très intelligents, car hier ils manifestaient dans la manifestation, c'était eux qui tenaient la banderole, et sur les photographies qu'on a faites, on les a reconnus. On en a reconnu deux sur les quatre. Donc déjà la police peut déjà travailler pour une recherche sur ces personnes. Bon, pour nous c'est dramatique. Maintenant, ce qui fait peur, c'est qu'effectivement, on ne sait pas très bien qui sont ces gens. Certains se disent pour un renouveau du christianisme, d'autres expliquent que c'est le débat sur la laïcité qui leur permet maintenant de revendiquer l'Église comme terre, enfin l'Église chrétienne, bien sûr, comme Église officielle de France. Et alors après, je ne préfère pas vous dire quand même des propos anti-islam et enfin, moins juifs, mais anti-islam que l'on a entendu depuis 15 jours, qui sont tout simplement monstrueux. L'acte de vandalisme donne à la manifestation une portée nationale. Le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, condamne. Artistes et politiques se mobilisent pour dénoncer l'atteinte à la liberté d'expression. De son côté, Alain Escada se frotte les mains. Il n'en attendait pas tant. Quelques jours plus tard, les auteurs de cet acte dramatique sont arrêtés. Il s'agit de quatre jeunes membres du groupuscule catholique d'extrême droite, Renouveau français. Alain Escada s'empresse de dénoncer l'utilisation de la violence, mais rappelle que ce fait divers reflète une exaspération compréhensible, je cite. En fait, il pense à la suite. Durant l'été, Civitas organise un séminaire dans l'une des écoles de la fraternité Saint-Pie-X. Le sujet de cette rencontre, la planification de la prochaine action. Cette fois, ce n'est pas une œuvre d'art qui est visée, mais une pièce de théâtre, Golgotha Picnic, d'un certain Rodrigo Garcia, metteur en scène argentin. La première aura lieu en décembre au théâtre du Rond-Point. À Civitas, personne n'a vu la pièce, mais déjà, le ton est donné. Alain Escada écrit à ses adhérents, Golgotha Picnic, le spectacle blasphématoire contre lequel nous devons nous mobiliser. Alors pendant 2 jours, à Civitas, on consolide l'argumentaire, on apprend à faire face aux forces de l'ordre, on pose les slogans sur le papier. Puis on se dit qu'un entraînement, un coup d'essai serait bien vu. Ça tombe bien, une autre pièce au caractère blasphématoire est programmée à la rentrée au théâtre de la ville. Première répétition. Acte 2, scène 1. Paris, 20 octobre 2011. Soir de la première au théâtre de la ville. Sur les devantures du célèbre établissement, on découvre les affiches du nouveau spectacle de Romero Castellucci, intitulé « Sur le concept du visage du Fils de Dieu ». La pièce raconte l'histoire d'un fils qui s'occupe de son père malade et incontinent. Tout au long de la représentation, le vieil homme se vide littéralement en matière fécale, urine, vomi, que le fils patiemment nettoie. Au-dessus du plateau, une immense reproduction du Salvador Mundi, le tableau d'Antonella da Messina. Le plan sur le tableau est serré, c'est donc un immense visage de Christ qui surplombe le décor et observe de son regard simple les acteurs et les spectateurs. À un moment, un groupe d'enfants apparaît et lance une fausse grenade sur le portrait qui se remplit petit à petit d'un liquide noirâtre. Il n'en fallait pas plus, le soir de la première, l'atmosphère est inhabituelle devant le théâtre de la ville. Quelques heures, un petit groupe de personnes s'est rassemblé autour de la fontaine de la Victoire, place du Châtelet. Ils sont 300 environ. Ils tiennent des chapelets qu'ils serrent fort contre leur poitrine. Ils brandissent des banderoles, des drapeaux. On entend les mêmes slogans qu'à Avignon quelques mois auparavant. Christianophobie, ça suffit. Ou alors, on touche pas au Christ. On voit plusieurs personnes s'agenouiller puis se mettre à prier. D'autres insultent les spectateurs. La tension est forte. Et la violence monte d'un cran. Des manifestants ont gagné le toit du théâtre et lancent de l'huile de vidange, des œufs, des boules puantes sur les spectateurs. D'autres essaient de bloquer les portes du théâtre de la ville. Au cœur de cette manifestation, on retrouve des membres de Civitas, de l'Action française, du Renouveau français. La famille nationale catholique est unie face à l'œuvre de Romero Castellucci, jugée scandaleuse. À l'intérieur, la salle est comble. Le spectacle aura bien lieu. Il est tout de même amputé d'une scène, celle où les enfants grenadent le visage du Christ. Mais ça, les spectateurs n'auront pas le temps de le voir, car pendant la représentation, la scène est envahie par 8 jeunes protestataires. Le public, d'abord interloqué, commence à réagir. Une fois montées sur scène, les 8 personnes âgées d'environ 20 à 30 ans s'assoient et forment une chaîne. Ainsi, à genoux et unis, ils sont impossibles à déplacer. Ils se serrent les coudes, au propre comme au figuré. Face au public, ils invectivent et aux responsables du théâtre qui tentent de les faire sortir, ils prient. Un régisseur, un peu plus énervé que les autres, monte à grands pas sur le plateau pour les déloger. Ses collègues le raisonnent, ils ont appelé les policiers. Ainsi, 10 minutes après le fracas de leur apparition, les 8 manifestants sont délogés manu militari par les forces de l'ordre. Le rideau se ferme. L'événement ne manque pas de faire réagir les politiques et les médias. La dernière fois qu'on a vu une telle intervention dans un théâtre en France, c'était en avril 1966, lors de la première des paravents de Jean Genet, dans le contexte de la guerre d'Algérie. Ce coup de force oblige les autorités catholiques à réagir. Le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, dénonce avec fermeté les violences commises devant le théâtre. En aucun cas, les manifestants ne peuvent se revendiquer d'un quelconque soutien de l'Église catholique. Il a vu la pièce et lui n'y voit pas de blasphème, contrairement à ces manifestants qui se sont trompés de siècle et restent nostalgiques de l'Inquisition. La polémique prend une tournure politique. Bertrand Delanoë, le maire de Paris, et Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture, condamnent l'instrumentalisation de l'art à des fins politiques. Roméo Castellucci, de son côté, prend la parole et, empruntant les mots de l'Évangile, jette un lapidaire « Je leur pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il n'a pas tort. Ces Torquemada de Pacotti n'ont même pas vu la pièce. Mais pour les organisateurs de la manifestation, encore une fois, le coup est réussi. Alors, les soirs qui suivent, ils remettent ça. Les manifestants se réunissent place du Châtelet face au théâtre cerné par les CRS. Les altercations entre les forces de l'ordre et les protestataires reprennent de plus belle. Le 29 octobre 2011, les différentes associations décident d'organiser un vaste rassemblement dans Paris pour protester contre ce qu'ils considèrent toujours comme de la christianophobie et du blasphème. Au cours de la manifestation, les témoignages se succèdent pour dénoncer ces atteintes à la religion catholique, Alain Escada de Civitas en tête. Nous constatons en France une banalisation de la christianophobie qui grandit de jour en jour et nous voulons marquer un arrêt à celle-ci, faire comprendre que les chrétiens n'ont pas à être traités comme des citoyens de seconde zone dans leur propre pays. Je condamne deux pièces, je ne les ai pas vues, je ne peux pas discuter sur la logomachie de la pièce, mais je sais, j'ai lu quelques extraits évidemment, que c'est assez ignoble vis-à-vis du culte chrétien. On manifeste parce que sous couvert de culture, quelqu'un a monté un spectacle qui n'a d'autre but que d'attaquer le symbole du Christ. J'ai ma liberté tant que je ne vais pas choquer les autres. Parce que c'est facile de se permettre tout sur le dos des chrétiens parce qu'on sait qu'ils ne réagissent pas derrière. La manifestation est une réussite, elle regroupe plusieurs milliers de personnes. Mais pour l'Institut Civitas, le troisième et dernier acte aura lieu dans un mois pour la pièce de Rodrigo Garcia, Golgotha Picnic. Excuse-moi pour l'autre soir. J'étais à bout, j'étais un peu noir. À la prochaine station, à la prochaine station, une espèce en voie d'extinction. Excuse-moi, on n'est que des animaux. On montre les dents et on courbe le dos. À la prochaine station, le calvaire, la résurrection, une espèce menacée. Et excuse-moi pour les mensonges de ma bouche. On est comme des mouches balayées sur le mur. À la prochaine station, à la prochaine station, c'est la voie d'extinction. À la prochaine station, le calvaire ou la résurrection, une espèce menacée. Il y a des hauts, des bas, et puis un jour, plus rien. Il y a la science, la vitesse des locomotives et ceux qui laissent passer le train. Excuse-moi, baissé par tout le zoo. On s'écaille, mais on se tient chaud. À la prochaine station. À la prochaine station, c'est la voie d'extinction. À la prochaine station, le calvaire, la résurrection. Acte 3, scène 1. Toulouse, 16 novembre 2011. Répétition du principal objectif fixé quelques mois auparavant par Civitas. Ce soir, c'est la première de la nouvelle pièce de Rodrigo Garcia. Dans l'intervalle, la tension est montée d'un cran avec l'incendie des bureaux de Charlie Hebdo le 2 novembre. Au cœur des débats, laïcité et liberté d'expression. À quelques heures de la première, la tension est grande, comme en témoigne le directeur du théâtre, Jackie Ouaillon, interviewé par France Inter. Ça fait plus de 23 ans ici que les œuvres sont présentées librement, que le public circule librement. Évidemment que ça fait un gros choc. Je crois qu'il en va de la question de la liberté d'expression et sur laquelle il ne faut pas qu'on recule. Je veux encore espérer que chaque citoyen est libre d'aller voir telle ou telle œuvre. Je suis pour la liberté, je suis pour le débat, contradictoire. Mais à ce niveau-là, on a complètement abandonné la notion de débat possible. Les catholiques ultras se sont organisés. Des cars entiers sont affrétés dans différentes villes de la région. Derrière l'organisation de cette manifestation, Civitas s'appuie sur Emmanuel Pujol, membre du comité central du Front National, soutien indéfectible de Bruno Gollnisch. Ils sont plus d'une centaine à se retrouver pour prier devant le théâtre Garonne, à Toulouse. Encore une fois, les manifestants sont plutôt jeunes. Ils sont rejoints par un groupe de moines en soutane, marron à capuche, corde autour de la taille, genre nom de la rose d'Umberto Eco. Les drapeaux sont sortis, les slogans repris. La France est chrétienne et doit le rester. On brandit les chapelets comme pour exorciser cette salle de spectacle, devenue lieu de blasphème. Des sœurs invectivent les journalistes. Entre les insultes et les slogans, on se recueille et on prie. Les catholiques se mobilisent sur une pièce que personne n'a vue. L'œuvre de Rodrigo Garcia porterait atteinte à l'image du Christ et à la religion catholique. Le metteur en scène argentin, basé à Madrid, est connu pour ses pièces anticapitalistes qui dénoncent les excès de la société de consommation. Dans Golgotha Picnic, il reprend ses thèmes et s'attaque à la figure du Christ, qu'il insulte de putain de diable, qu'il traite de premier démagogue de l'histoire. Le sol de la scène est rempli de hamburgers, l'odeur typique de la nourriture industrielle gagne la salle. Sur le plateau, 5 acteurs se gavent de nourriture, vomissent. Un homme en survêtement est crucifié, les entailles du Christ sont remplies de billets. Pour finir, un pianiste nu joue les 7 dernières paroles du Christ de Haydn. Rodrigo Garcia dénonce ainsi l'oppression et l'aliénation de la religion chrétienne. La pièce a été présentée à Madrid quelques mois auparavant et elle n'a fait aucun remous dans un pays pourtant catholique, comme quoi on peut adhérer à cette religion sans être forcément rétrograde. Mais ce soir de première à Toulouse, la manifestation a bien lieu. Sauf que l'opposition à cette intolérance religieuse réagit. Des militants du Parti de gauche, du Parti communiste, des syndicats, ainsi que des membres de la Ligue des droits de l'homme se sont réunis pour organiser une contre-manifestation. Pascal Nakache, président de la section toulousaine de la Ligue des droits de l'homme, explique cette mobilisation. Alors il y a un double objet qui est d'une part de soutenir le théâtre Garonne qui fait l'objet depuis des semaines d'une campagne d'intimidation, de menaces, d'insultes par les intégristes du groupe Civitas et d'autre part de soutenir la liberté d'expression, la liberté artistique dans notre pays parce que nous considérons que dans une république il est intolérable que des groupes intégristes de quelque nature qu'ils soient essaient de s'improviser juge de ce qui peut ou non être présenté sur une scène de théâtre. Du 16 au 19 novembre, la pièce est jouée au théâtre toulousain. Chaque soir, les manifestations reprennent comme une répétition générale de la prochaine étape parisienne. Acte 3, scène 2. Quelques semaines après la représentation toulousaine, Golgotha Picnic est programmé au célèbre théâtre du Rond-Point à Paris sur la ville des Champs-Élysées. Les événements toulousains ont trouvé un écho national. La Griffe, l'Alliance Générale contre le Racisme et pour le Respect de l'Identité Française et Chrétienne, proche du FN, demande l'annulation des représentations au ministère de la Culture. Ils sont déboutés. Mais entre-temps, le mouvement qui se limitait à une fange de catholiques, intégristes ou traditionnalistes reçoit une série de soutiens inattendus. Un groupe de députés UMP publie un communiqué pour dénoncer la provocation de la pièce à l'encontre des chrétiens de France. Ils sont 59 députés à signer ce texte intitulé « Christianophobie en Orient, mais aussi en Occident ». Les chrétiens sont persécutés partout dans le monde, dans l'indifférence générale. Notre pays n'est pas épargné. L'art, qui après avoir été sacré pendant plusieurs siècles dans notre pays, est désormais trop souvent irrespectueux de la religion chrétienne. Outre le fait que nulle autre religion n'accepterait d'être traitée de la sorte, on peut s'interroger sur le besoin qu'ont les artistes de se déchaîner ainsi contre le christianisme par le biais de la dérision, du cynisme, de l'ironie. Certains clament leur très légitime indignation en manifestant publiquement devant les théâtres ou les salles d'exposition. Sans doute, certains sont-ils excessifs, car excédés par ces déferlements christianophobes. Mais ils ont le mérite de réveiller une certaine apathie chez nos concitoyens qui, tout en étant d'accord avec eux, n'osent pas réagir, terrorisés par l'opinion médiatique qui les ferait passer pour des fondamentalismes chrétiens. Comment pouvons-nous admettre que l'argent du contribuable subventionne grassement des œuvres si contestables ? Accepterions-nous que l'impôt finance des scènes non respectueuses de l'islam ou du judaïsme ? Au soutien politique succède l'appui religieux. Cette fois, l'Église catholique, officielle, institutionnelle, prend position contre la pièce de Rodrigo Garcia. Le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, dénonce un spectacle, selon lui, caricatural sur le Christ et la Passion. Il critique la grossièreté des interprétations proposées. Alors, pour se démarquer des mouvements de manifestants, l'Église catholique propose à ses fidèles de se réunir pour une veillée sur le parvis de Notre-Dame, le soir de la première. Un évêque explique cette décision. La veillée est pour permettre aux catholiques qui se sentent, disons, soit offensés, soit troublés par ce qu'on leur a dit de ce spectacle, en tout cas, nous leur offrons la possibilité, nous voulons avoir ensemble la possibilité de nous réunir dans un acte de vénération, disons, du Christ, qui est notre sauveur. Ceux qui vont aller porter une rose blanche devant le théâtre, moi je trouve ça plutôt sympathique. Ceux qui vont aller prier bruyamment, ou éventuellement ceux qui vont utiliser la force, ou une certaine aggression, une certaine agressivité, tout ça, ça n'a rien à voir avec l'Évangile. Je ne crois pas qu'il faille parler nécessairement de christianophobie. À la limite, il est légitime que quelqu'un réagisse à la figure du Christ et exprime ce qu'elle évoque pour lui. Mais il est normal aussi que nous, chrétiens, nous exprimions notre attachement au Christ. L'artiste a toute liberté pour créer, mais les artistes, comme tout le monde, sont responsables aussi de ce qu'ils font. Encore une fois, les images religieuses, elles sont portées par des gens qui ont foi. Donc, au nom de quoi et jusqu'à quel point est-ce qu'un artiste peut les utiliser à sa guise et les détourner ou les retourner à sa façon ? Peut-on faire n'importe quoi avec l'image de l'homme, même tout simplement ? L'Institut Civitas et les différentes associations catholiques ultra et groupuscules d'extrême droite qui organisent cette série de manifestations depuis des mois réussissent finalement à faire basculer leur combat. D'abord à la marge, le mouvement convainc de plus en plus de catholiques qui voient l'occasion d'exprimer un ressenti de longue date. La pièce de Rodrigo Garcia, beaucoup plus provocatrice à l'encontre de la figure du Christ que les œuvres précédemment attaquées, permet aussi d'élargir le nombre de mécontents. Alors évidemment, la pression sur le théâtre du Rond-Point est de plus en plus forte. Son directeur, Jean-Michel Haribes, reçoit des milliers de lettres d'insultes et de menaces. Le metteur en scène, connu pour ses prises de position laïques et son engagement à gauche, cristallise les opinions. Au micro de France Inter, il dit son exaspération. Là où c'est un peu beaucoup, c'est quand ils envoient des gens à 2h du matin qui ont tous les codes du théâtre avec des couteaux pour casser les alarmes du théâtre. Là où c'est beaucoup, c'est quand on reçoit des menaces de mort. Ce que je comprends mal, si vous voulez, c'est que l'Église catholique rentre dans le jeu politique, condamne l'avortement, condamne l'homosexualité, je vois pas pourquoi. Elle serait hors de toute possibilité de contestation et surtout par les artistes qui sont là pour aérer la société et lutter contre des dogmes qui sont étouffants. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, quand les catholiques intégristes s'attaquent à l'art, notre invité, c'est précisément Jean-Michel Ribes. Nous lui donnerons les paroles dans 5 minutes. La première de Golgotha Picnic se déroule donc sous haute surveillance policière. Le spectacle s'ouvre par une prise de parole de Rodrigo Garcia. Il dit « J'ai honte de présenter une œuvre d'art protégée par des mesures de sécurité ». Le plan de Civitas fonctionne à merveille. Cette fois, le groupe des manifestants est encore plus important que pour les autres événements. Il fédère. La preuve, on retrouve devant le théâtre du Rond-Point des catholiques de tous bords et de tout horizon. Symbole le plus fort, la présence de Michael Lonsdal, célèbre acteur et catholique, qui vient apporter son soutien aux protestataires. Manifestation de cet élargissement aussi, la France découvre une certaine Frigide Barjot, parodiste et chansonnière, fervente catholique. Elle aussi vient soutenir les mécontents. Le directeur du théâtre, Jean-Michel Haribes, va à la rencontre des manifestants pour essayer de les raisonner. Extrait d'une discussion avec Frigide Barjot. Eh bien, nous sommes venus dire que nous sommes des chrétiens catholiques, aujourd'hui blessés par une pièce pour laquelle nous avons un sentiment qui est celui d'une caricature du Christ. Nous sommes des milliers et des millions à mal comprendre par les médias ce que veut dire cette pièce. Nous irons la voir, nous l'avons lue. Il y a des termes qui nous choquent profondément. Je ne souhaiterais pas que soit véhiculé dans les médias un autre message de la foi chrétienne que celui-là, qui soit du nihilisme et de la noirceur. Madame, on a quand même le droit, sur une église, c'est qu'une église qui est présente, une église qui vivante, absolument, et qui donne ses dogmes, etc. On a quand même le droit. Qui propose un chemin. Mais d'accord, mais on a quand même le droit d'en proposer un autre. Absolument. Bon, voilà, c'est tout. On peut confronter nos chemins. Ben voilà, c'est tout. Je vous en supplie, ne nous diabolisez pas. Mais pas du tout. On n'est pas en train de faire quelque chose d'insultant. Non, c'est quelqu'un qui fait de la satire. Il a fait la même chose sur McDonald's, il a fait la même chose sur... Voilà. Et là, c'est Dieu. Jean-Michel. Mais c'est Dieu pour vous, pas peut-être pour les autres. Respectez la laïcité, respectez les athées. Du 8 au 17 décembre, tous les soirs, les représentations de Golgotha Picnic réunissent ce public à l'extérieur et il s'agrandit de jour en jour. À la fin de la programmation, les manifestations cessent, mais pas les menaces, ni les insultes dont Jean-Michel Ribes est aujourd'hui encore l'objet. Pour Civitas et toute la mouvance catholique intégriste et traditionnaliste, le plan a parfaitement fonctionné. Il a émergé sur la scène médiatique comme le premier levier d'une véritable existence politique. Il aura fallu du temps. Délaissée par un Front National qui brandit la laïcité contre l'islam, la France catholique ultra et nationale cherchait depuis quelques années un combat pour sortir de l'ombre. C'est l'art qui a subi les foudres de cette ambition. Quelques années après, on retrouvera Alain Estrada, Civitas et aussi Frigide Barjot sur un autre combat, dans la rue toujours, pour la famille et contre le mariage pour tous. Backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take a body downtown. I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on. Play a video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now you do. Singing in the old bars, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing pool and wild darts, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes. This is my idea of fun, playing video games. It's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only with living if somebody is loving you. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. Only worth living if somebody is loving you. Maybe now you do. Jean-Michel Ribes est donc avec nous. Bonjour Jean-Michel Ribes. Bonjour Fabrice. Alors, qu'est-ce que vous ressentez 4 ans après quand vous entendez ces voix, ces arguments, quand vous vous entendez aussi? Ça vous replace dans des souvenirs qui sont assez récents, mais quelles résonances ont-ils aujourd'hui? Moi, ça s'est quand même conclu aussi par une agression très forte que j'ai eue à Nancy, quelques mois après, où on m'a rempli d'excréments de chiens qui étaient dans un cadeau qu'on m'a ceinturé avec des images du Christ, etc. D'ailleurs, je trouvais pas ça très intelligent de mélanger le Christ à la merde, quoi. C'était vraiment pas. Là, c'était plus grave que ce qui condamnait chez les artistes. Moi, il me reste, ça continue. Hein. Je reçois régulièrement des insultes, etc. Moi, ce qui m'épate quand même, c'est ce petit Escada à qui j'avais répondu dans une émission. On ne vous empêchera pas de croire, vous ne nous empêcherez pas de penser. C'est une espèce de mélange de Godefroy de Bouillon, de Tintin au Congo et de Goebbels, enfin, c'est un truc comme ça, très curieux, qui a réussi son coup médiatique d'une manière incroyable. Parce que c'est ça, c'était un coup de pub incroyable qu'il a réussi à faire sur le dos de nous. Alors, je ne parle pas de Frigide Bardot, qui, vu que toutes les caméras de cinéma l'a refusé, a trouvé un moyen de trouver celle de la télévision, puis après de devenir une autre actrice du Mariage pour tous. Ça, c'était vraiment la frustration d'une comédienne ratée. Mais voilà, tout ça. Alors, mon ami, quand j'entends mon ami... Vous parlez en effet de mon ami Michael Lonsdale qui est venu me dire « Jean-Michel, n'abîme pas mon petit Jésus, ne l'abîme pas ». Je lui dis « tu sais, les évangiles, c'est important ». Je lui dis « Mais Michael, je respecte la liberté de création ». Il me semble à un moment que tu as fait entrer des moines dans une chambre, tu t'es déculotté, tu t'es fait fesser le cul par une putain en cuissarde. C'était pas vraiment dans le sens exact de ton petit Jésus. Dans ce film de Buñuel, tu respectais la liberté de création d'un grand artiste. Alors, il a rigolé, puis on s'est embrassé, c'était fini. Alors, il y avait des choses très amusantes. On était quand même protégés par 400 CRS, que les CRS sur qui on avait tellement jeté le pavé en 68 soient là pour protéger la liberté de création. Je trouvais ça touchant. Alors, ils chantaient tous les jours, pendaient Jean-Michel Ribes dans son théâtre de Satan. Les paroles étaient pas mal. Ils chantaient faux, c'est dommage. Mais ce qui m'a le plus choqué, moi, et vous l'avez rappelé, c'est 49 députés d'un parti républicain qui s'appelle l'UMP, qui tout d'un coup soutient cette secte. Car c'est une secte. Et c'est une secte qui a pas fait beaucoup de bien à Jésus. Jésus, c'est un jeune homme poète, visionnaire, bon. Et je pense que de le réduire à un chef de secte de Civitas, c'est terrible. Et d'ailleurs, je dois dire qu'on a été très soutenus par beaucoup, beaucoup de catholiques, vous savez. Il faut quand même le rappeler, ça. Il n'a pas fait le plein, Civitas. Beaucoup de catholiques ont reçu des lettres de soutien. On l'a dit, effectivement, ouais. Dans le premier temps, l'Église catholique officielle n'a pas soutenu ce genre de choses. Je parle des gens de la rue, des chrétiens, des gens qui venaient nous voir. Oui. On a fait même des évêques qui nous ont soutenus, etc. Donc, si vous voulez, c'était un coup de pub formidable. L'UMP, qui pour essayer de rattraper un peu l'UM droite avant l'élection présidentielle, fait ça, je trouve ça indigne. Je trouve ça simplement indigne. Alors, Jean-Michel Ribes, on va revenir au débat. Il y a une question qu'on n'a pas soulevée, qui est intéressante aussi. Parce que moi, je n'ai pas vu ces œuvres, donc je vous le dis. Et je voudrais savoir ce que, artistiquement, je dis bien seulement artistiquement, que valent ces œuvres. Golgotha Picnic, par exemple. Une œuvre, vous savez, la fameuse parole de Duchamp, l'œuvre est faite par celui qui la regarde. Mmh. Donc, vous pouvez y trouver des choses qui vous semblent proches de vous et illumine un paysage intérieur formidable, vous pouvez être contre. Ce qu'il y a de certain, c'est que c'est un grand artiste, que c'est un créateur. Et puis, ce que racontait la pièce de Rodrigo Garcia avant tout, et qu'on peut comprendre, un enfant qui ne connaît rien arrive sur Terre et rentre dans une église. C'est traumatisant de voir tous ces gens torturés, la tête coupée, cloués contre des croix. On peut aussi se dire, c'est violent. Qu'est-ce qu'il y a de faux là-dedans? C'est très violent. On va écouter ensemble un reportage de notre reporter Annel Verzo qui s'est rendu à la messe dominicale de l'église Saint-Nicolas du Chardonnay où se retrouvent de nombreux fidèles de la fraternité Saint-Pie-X que nous avons évoqué dans le texte. Ils ont un prêtre extraordinaire qui est une sorte de catcheur et qui a fait une chose très drôle. Comme les CRS le bloquaient, il a dit « Moi, je vais les baigner, ils vont s'agenouiller. » Et puis je vais passer, comme la mer Rouge. Il a fait une bénédiction, personne n'a bougé, comme quoi la magie de chez Civitas ne marche pas à tous les coups. En tout cas, Annel Verzo s'est rendu à cette messe. On va écouter son reportage, on en parle après. Simone Veil contre la loi sur l'IVG. Et ici, à Saint-Nicolas du Chardonnay, il célèbre des messes à la mémoire du général Franco et du fondateur de la Falange, un mouvement fasciste en Espagne, Primo de Rivera. Et l'abbé Xavier Beauvais s'est battu aussi aux côtés de Civitas contre les pièces de théâtre de Roberto Castellucci et Rodrigo Garcia. Je sors de l'église. Bonjour. Qu'est-ce que vous distribuez, madame ? En mémoire des victimes du 26 mars 1962, rue d'Isly à Alger. D'accord. C'est pour les morts en Algérie. Mmh. Vous voulez pas me répondre ? Non ! Je vous ai dit non ! Oh, pardon. Je peux prendre le tract ? Oui, ça, c'est pas interdit. Vous étiez allé à la messe, là ? Oui, je suis allé à la messe à 9h, moi. Quelle est votre vision de l'art ? De l'art ? Oui. Moi, j'ai une vision d'art qui est très classique. Hein. Je ne suis pas pour l'art contemporain. Hein. Parce qu'il y avait eu des représentations théâtrales au théâtre, représentations du Christ. Ah oui, bah ça, c'est abominable. Hein. Ces gens-là ne respectent rien. Et quand il y a des réactions violentes, ils s'étonnent un peu, mais c'est quand même normal. Quoi, parce que quand on a quelque chose auquel on tient beaucoup, qui est peut-être la chose la plus importante pour vous, certainement même, eh bien, hein, vous ne pouvez pas tolérer qu'on le souille ou qu'on fasse des choses comme ça. Quoi. Est-ce que vous étiez allé voir ces pièces de théâtre ? Non. Pour vous, c'est un blasphème ? Bien sûr. Et un blasphème, c'est quelque chose de terrible. Hein. Par exemple, est-ce que pour vous, la représentation du prophète Mohamed, les caricatures de... Ah oui, moi je ne suis pas musulman, alors ça m'est égal. Hein. Mais est-ce que du coup, vous comprenez que ça les choque, eux, les musulmans ? Ça les choque peut-être, mais la France n'est pas le pays des musulmans, à mon avis. C'est le pays catholique. Voilà. Votre vision de l'art ? J'ai fait les arts déco et j'ai été galériste. Je trouve qu'il y a des limites à l'invention, à la réinvention de l'art, je crois. Bon, la peinture de Chevalet est morte et c'est bien dommage. Et qu'est-ce que vous pensez des pièces de théâtre qui représentaient le Christ ? Je ne sais pas si vous souvenez, en 2011. Je trouve que dans tous les domaines, que ce soit l'art, la musique, la littérature... La provocation est stupide, je trouve. La provocation est stupide à tous les points de vue, dans tous les domaines. Chacun a sa sensibilité, que ce soit au point de vue ethnique, religieux, politique. Et il faut respecter la sensibilité des gens. Vous allez dans cette église Saint-Nicolas-du-Chardonnay ? Depuis toujours, oui. Parce que j'aime la messe en latin, j'aime la belle liturgie, j'aime le chant grégorien, j'aime l'orgue. Je préfère l'orgue à la guitare, si vous voulez, pour la messe. Voilà. Comment vous appelez votre prénom ? Jean-Paul. Vous venez ici depuis combien de temps, à la messe ? Depuis 35 ans. Je suis un fidèle. Vous votez ? Front National. Bien évidemment. Depuis toujours. Voilà. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Au revoir. Si j'ose dire, le diable est dans le détail. Vous avez le monsieur tout à l'heure a dit, on lui dit, vous votez quoi ? Il a dit Front National. Bon, pourquoi pas ? Il a dit, bien évidemment. Mmh. Hein ? C'est ce que vous voulez dire aussi, que c'est une secte, tout cela ? Oui, je pense que c'est une secte. C'est sectaire, d'ailleurs. Bon, on voit bien que c'est quand même des gens très, finalement, peu nombreux. Le Chardonnay, ça, c'est très peu nombreux. Non, ce qui est intéressant, je trouve, c'est le rapport à l'art. Oui. Parce que l'art, finalement, a été probablement un des plus grands soutiens de l'Église catholique et du Christ. L'art a servi l'Église de manière extraordinaire, et même dans ses formes les plus avancées. Quand on voit les crises de Rouault, qui sont quand même pas très, j'allais dire pas très catholiques, c'est pas même très classique, l'art a été quand même un soutien magnifique de Dieu. Aujourd'hui, dire que ça n'existe pas parce qu'il a la forme du XXIe siècle, c'est stupide, comme beaucoup de choses qu'on a entendues. Moi-même, j'ai été élevé dans la religion catholique, je suis plutôt athée, mais je dois dire que je connais beaucoup de gens qui sont catholiques et qui sont pas comme Lou Galeries qu'on a entendu, Front National ou pas, qui sont des gens qui célèbrent l'art contemporain sans avoir l'impression de pisser sur un tabernacle. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même quelque chose de très fort. Et quand on pense que ces mêmes gens, un siècle plus tôt, devant une toile de Manet qui s'appelait l'Olympia, parce qu'il y avait une putain et sa servante à la place d'une déesse, ont fait des scandales équivalents. On voit bien qu'il y a quelque chose de très rétrograde et des gens qui ne veulent pas vivre avec le siècle qui avance. Ils se trompent eux-mêmes d'ailleurs, parce que s'ils s'attaquent à l'art, ils pourraient s'attaquer à des permanences politiques, ça veut dire qu'inconsciemment, ils ont conscience que l'art transcende tout. Qu'il est au-dessus de tout, finalement. Donc, ils se trompent eux-mêmes. Bien sûr. Et puis, il y a une chose aussi qu'il faut dire quand ils disent, je sais pas quoi, c'est pas dans la nature, l'art, c'est pas dans la nature de l'homme, c'est pas dans la civilisation, comme ça. Mais ils oublient un truc, c'est qu'on vit plus dans les cavernes, que la civilisation a avancé. Quand on leur arrache une dent, il n'y a pas un tambour pour cacher leur hurlement. Les choses se font avec de l'anesthésie. De la même façon, l'art évolue, grandit, s'attaque, ou en tout cas, essaye de, comme le disait très joliment Aragon, creuse des galeries vers le ciel, pas le ciel de ces imbéciles, mais un ciel plus large, plus grand, plus joyeux. Et il ne faut pas empêcher que ces bouleversements, ces dérangements de la société fissurent en même temps l'étouffement qu'ils nous provoquent. Vous savez, l'art, c'est quelque chose, c'est une issue de secours. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont sauvés par l'art. Quelle dépression résiste à la visite d'un musée ? Aucune. On est transporté. On est avec des gens qui nous disent « tout n'est pas foutu, il y a un ailleurs ». Eh bien, Rodrigo Garcia, Castellucci et les autres nous disent « il y a un ailleurs, il y a un ailleurs, c'est fini, on n'est pas forcé de tout comprendre, comme c'est dit, la réalité n'est pas définitive, vous avez votre propre réalité, vos propres ressentis, vous pouvez les dire et ça aidera les gens ». Ce qui est quand même une des fonctions de la religion, puisque c'est la chose qui doit relier les gens, c'est aider les gens à respirer mieux. Et l'art, c'est ça aussi. Il faudrait leur envoyer la phrase d'Oscar Wilde qui disait que non seulement l'art est une représentation de la vie, mais plus encore, c'est la vie qui est une représentation de l'art. Hein, oui, c'est la nature. Au-dessus, voilà. Absolument. De l'art, Brigitte en fait aussi, avec Oh là là, c'était en 2011, c'est le concept de l'émission. Nous diffusons des chansons qui s'inscrivent dans l'histoire, la période considérée de l'histoire que nous racontons. Accroche-moi les baisers, accroche-moi. Accro à ta bouche, je suis croque de toi. Ça fait boum, je craque quand tu me dis tout. Pas que c'est si doux. Oh là là, c'est si doux, doux, doux, doux, doux, doux. C'est si doux. Oh là là, c'est si doux, doux, doux, doux, doux, doux. Allez, danse. Autour de moi et je t'en Mesdames les Brigitte, vous étiez les bienvenus sur l'antenne de France Inter. Jean-Michel Ribes, on n'a plus beaucoup de temps. Que répondiez-vous quand on vous disait, à l'époque des faits, oui, ça, vous n'auriez jamais osé le faire contre l'islam, hein, les catholiques, on peut les piétiner comme on veut. Oui, je vous dirais d'autres choses. Je vous dirais d'abord que, et Romeo Castellucci, et Rodrigo Garcia, comme le dit si bien notre ami Escada, sont des catholiques dans des pays très catholiques. L'un vient d'Argentine et d'Espagne, l'autre d'Italie. Donc d'abord, c'est cette culture-là qui les a totalement envahis, étouffés, contre laquelle ils peuvent dire des choses. La deuxième chose, c'est que M. Escada ne se souvient sans doute pas, nous avions invité une jeune maghrébine qui s'appelle Noura Naghouch, de la zone de Colmar, et qui avait écrit un spectacle tout à fait étonnant, qui s'appelait Sacrifice. Sacrifice, c'était cette jeune femme qui racontait sa vie. Elle racontait, évidemment, le racisme contre les Maghrébins de certains Alsaciens, mais surtout, et c'est là où elle attaquait sa propre communauté confessionnelle de la manière dont il traitait les femmes. Et je peux vous dire que ça y allait dur sur l'islam. Évidemment, on a eu des attaques de trucs islamistes, de radicaux, etc. Mais on l'a fait. On l'a fait. De la même manière qu'on a été attaqué par le Likoud à certains moments, parce que paraît-il, il y avait une pièce qui attaquait les juifs. On a tout fait. Donc, c'est simplement des mensonges. Mais le mensonge est une chose que pratique M. Escada avec... Il en fait même un des beaux-arts. Alors, il ne reste que 30 secondes. Est-ce que le rire de résistance est toujours la devise du théâtre du Rond-Point, Jean-Michel Ribes ? Oui, parce que le rire de résistance, c'est la chose qui nous libère. On a été envahi par des pensées définitives, un esprit sérieux étouffant. Le rire de résistance, qui n'est pas la ricanerie, qui n'est pas les ricaneurs, qui est le grand rire des poètes, de Rabelais, etc., est quelque chose d'indispensable pour respirer et pour faire tomber un esprit sérieux qui est une sorte de cholestérol de l'imaginaire. Très bien, merci en tout cas. Merci à vous. Jean-Michel Ribes, pour vos souvenirs et vos éclairages sur cette question de l'intolérance religieuse. C'était Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.